La télé de l'irréalité. Il y a des jours où il faut lire Closer, pour pleurer et réfléchir au monde dans lequel nous vivons. Cette semaine, par exemple, le magazine People nous offre une couverture palpitante. Le scandale Amélie. Cette fois, elle a touché le fond. Cela peut paraître insignifiant au plus grand nombre, et pourtant c'est révélateur de beaucoup de mots. Amélie, c'est cette starlette de Secret Story 4 qui a tout osé pour survivre médiatiquement. Grossesse, rupture, avortement, elle a joué avec tout, y compris avec elle-même, y compris avec la vie. Et cette semaine, dans un grand élan de conscience et d'éthique, Closer dit stop. En oubliant qu'elle n'a peut-être pas touché le fond toute seule, qu'il y avait quand même quelqu'un pour lui montrer le chemin de la piscine. La télé-réalité, c'est le sommet d'un iceberg cynique qui a découvert que notre désir de reconnaissance pouvait plonger dans une addiction maladive au fameux quart d'heure de célébrité décrit par Andy Warhol. Télé-réalité, producteurs, diffuseurs, presse, internet, radio, tout le petit monde médiatique s'est un jour rué sur ce veau d'or financier et a décidé d'user et d'abuser de ce besoin d'amour tapis dans un péché d'orgueil. Être célèbre, vu, admiré, aimé. Comme tout péché capital, l'orgueil en entraîne d'autres, et voilà que certains sont entraînés dans une spirale infernale d'orgie, d'atteinte à la vie, d'irrespect envers eux-mêmes. Il y a l'avortement d'Amélie, le faux suicide de Léo, Secret Story également, la dépression de Loana, Love Story, les déboires des uns, les malheurs des autres. Closer publie, TF1 diffuse, et nous autres, nous regardons, lisons, écoutons. Évidemment, si nous nous arrêtions à cette sombre analyse, nous pourrions croire que la civilisation de l'amour voulue par le pape Paul VI à l'époque de mai 68 est un rêve fou et irréalisable. Les hommes semblent incapables d'aimer gratuitement, de vouloir le bien, de suivre le chemin du bonheur. Sexe, pouvoir, argent, les tentations sont trop fortes et nous sommes trop faibles. Sauf que comme dans Astérix, il y a toujours un village de résistants. Dans Benny News, il y a toujours une espérance. Et ce village, c'est toujours le même, la jeunesse. L'adolescence est un âge où on se confronte au monde des adultes et où bien souvent, on n'en veut pas. On se révolte, on se rebelle, on rue dans les brancards. Mec ou meuf, on rêve d'un monde nouveau. Parfois ne le trouvant pas, ne le voyant pas, ne l'imaginant pas, on se renferme. Mais quelquefois on se lève. Aujourd'hui, la jeunesse arabe se lève pour la liberté. Ce qu'elle va gagner, elle devra en faire quelque chose. La liberté ne réside que dans le bien, le vrai. Il lui faudra donc suivre le bon chemin. Un chemin différent du nôtre. Car si les précédentes jeunesses occidentales ont lutté pour la liberté, elles ne l'ont pas toujours utilisée à bon escient. De quelle liberté bénéficions-nous? Celle de faire les cons dans Secret Story? Celle de reproduire de tristes fantasmes? Celle de persévérer dans l'égocentrisme? Non, notre liberté ne réside que dans le bien, le vrai. Si nous ne nous en sommes pas encore aperçus, la jeunesse actuelle le comprendra. Oui, la jeunesse actuelle comprendra qu'elle ne peut pas se laisser téléguider par des quarantenaires déjà ringards qui lui revendent des doses de drogue médiatique pour se faire de l'argent. La jeunesse actuelle ne peut que se révolter contre tout cela. La jeunesse actuelle est notre espérance. Au JMJ de Rome, Jean-Paul II avait repris cette magnifique phrase de Sainte Catherine de Sienne. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Dans son message pour les prochaines JMJ de Madrid, le pape Benoît XVI rappela aux jeunes « L'Église compte sur vous. Elle a besoin de votre foi vivante, de votre charité créative et du dynamisme de votre espérance. » Foi, amour et espérance sont les trois vertus théologales, cœur du message du plus grand révolté de notre histoire, Jésus-Christ. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Saint Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Qu'y a-t-il de plus fou que cela? Pour ne pas sombrer dans les mêmes défauts que nos pères, les mêmes erreurs que nos grands-pères, les mêmes abîmes que nos ancêtres, la jeunesse peut s'appuyer sur les quatre vertus cardinales. Patience, tempérance, force et justice. Car la vraie révolte, le vrai changement de société, la vraie espérance n'est pas de regarder une starlette se défoncer ou participer à des skin parties. La débauche n'est pas novatrice, elle est même une pâle copie du passé. La vraie révolution naîtra de la folie, de la liberté, de l'amour, de la foi. Jeunes, cessons d'être les poupées de vieux médias. Soyons de vrais fous, visons la sainteté. Le monde n'est pas pourri, il est ce que nous en faisons. Dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, il y a cette phrase extraordinaire, « Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les chats sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. »